أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. Donc le prophète والسلام dit ce qui signifie celui pour qui Allah veut le bien lui facilite l'apprentissage de la religion. وقل رب سيدني علما. إذن رأينا في الحصة السابقة تكلمنا عن معرفة الله. On a parlé sur connaître Dieu. Donc on a demandé d'apprendre par cœur. معرفة الله. ما هي معرفة الله؟ C'est quoi connaître Dieu؟ Alors قلنا معرفة الله معرفة ما يجب له وما يستحيل في حقه وما يجوز في حقه. إن هذه يحفظها الإنسان. قلنا كانوا يعلمون فيها، هذا كانوا يدرسونها مدارس ابتدائية. في تونس مثال وغيرها، أنا شفت كتاب في تونس مدارس ابتدائية علموا فهم هذا. معرفة الله، معرفة ما يجب له من الصفات، ما يستحيل وما يجوز. Donc connaître Dieu, on a dit apprendre, c'est quoi? C'est connaître ce qui est obligatoire, ce qui est impossible à son sujet, et l'exempter de ce qui est impossible, et savoir ce qui est possible à son sujet, créer une chose ou ne pas la créer. C'est-à-dire ma'rifatullah. Ma yajibu lahu ma yastahil wa ma yajuz fi haqqi. إذن هذه هي معرفتنا بالله سبحانه وتعالى، معرفة يحفظها الإنسان ما يجب ما يستحيل وما يجوز في حقه كخلق شيء وتركه. ليس يجب على الله خلق العالم، إنما خلقه بمشيئته سبحانه وتعالى، كما قال ابن غسان: أحدثه لا لاحتياجه الإله، ولو أراد تركه لما ابتدا. هذا متن ابن غسان، هذا عند الشافعية كما معاشر عند المالكية. Donc comme il a dit ابن غسان: Dieu a créé le monde, il n'en a pas besoin. Et s'il voulait, il n'aurait pas créé le monde. إذن شرحنا، بدأنا نتكلم عن الأقسام الحكم العقلي. On a parlé des jugements rationnels. Donc jugements selon la raison. كما كان يدرس قبل، ولأن العقل شو قلنا؟ ماذا قلنا؟ العقل هو شاهد للشرع. العقل شاهد للشرع. أصل الشرع هو كتاب والسنة. أما العقل هو الشاهد، ليس مثل المعتزلة ليجعلوا العقل الأصل. فلاسفة والمعتزلة يقولوا العقل هو الأصل، والمجسمة يقولوا ما ثمش العقل، ما نستعملوش العقل. أهل السنة وسط، وكذلك جعلناك أمة وسطة. أصل الدين كتاب والسنة، معناها الحلال والحرام، الوضوء والزكاة، تعرفها بالقرآن والحديث ليس بالعقل. أما العقل الشاهد، يعني كل شيء في الدين ما يخالفش العقل، كل شيء في الحديث في القرآن لا يخالف العقل. Donc on a expliqué une chose importante, que la raison était, c'est quoi? C'est un témoin de la religion. C'est pas comme les Mu'tazila, l'extrémiste d'un côté et les extrémistes d'un autre. Mu'tazila et les philosophes, ils disent non, la base c'est la raison. Et c'est pas les autres qui assiment Dieu à ces créatures, Mushabbiha, Wahhabi et autres, qui disent non, on n'utilise pas la raison. Les sunnites, c'est le juste milieu. On utilise la raison, mais en tant que témoin de la religion, ce n'est pas en tant que base. C'est-à-dire, halal, haram, comment faire la prière, le wudu, les détails au paradis, les détails en enfer, etc., ce qu'il y a dans la tombe. Ça, ce n'est pas avec la raison. C'est avec le Coran, le hadith. Mais tout ce qui est dans la religion ne contredit pas la raison. Tout ce qui contredit la raison, il est réfuté, c'est sûr. Il n'est pas dans la religion. C'est ça les sunnites. Allah dit dans le Coran, « Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. » C'est la communauté de juste milieu. Ici, le juste milieu, ça veut dire suivre la vérité. Suivre la vérité. La réalité, la vérité, le Coran, le hadith. وسط هو اتباع الحق اتباع الدين اتباع القرآن ما جاء به الأنبياء إذن العقل شاهد donc comme ça la personne elle apprend elle peut parler parce qu'on a dit quoi le but aussi c'est de propager c'est ce qu'ont fait les prophètes et c'est la meilleure chose هذا ما فعله الأنبياء الله قال ومن أحسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين لكن باش بالعلم ليس بالجهل كما قال ابن عبد العزيز من عمل بدون علم كان ما يفسد اكثر من يصلح من عمل بدون علم كان ما يفسد اكثر من يصلح قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره على حجه ودليل واضح دونك appelé à la religion, donc déjà dans le Coran, Allah dit وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ c'est-à-dire, il n'y a pas mieux que quelle meilleure parole de celui qui appelle à croire en Dieu, il fait les actes de vertu, il dit je fais partie des musulmans. C'est la voix des prophètes, c'est, ce qu'ils ont, c'est leur mission, c'est transmettre. C'est la meilleure mission. Mais ça nécessite une connaissance. C'est pas comme certains, tu les vois, ah oui, tiens, ça parle sur l'islam, allez, je copier-coller, propager, transférer. Et ça se trouve, à l'origine, c'est même pas un musulman qui l'a envoyé. Et tu trouves plein d'erreurs dedans. Comme il a dit Omar ibn Abdul Aziz, celui qui agit en sans science, il va corrompre plus qu'il va agir en bien. Comme a dit Al-Bukhari, dans son livre, « Bab al-ilmi qabla al-qawli wal-amal » chapitre de la science avant la parole et les actes. Celle-ci, il بلغ أهله حبهم الخير حبهم الجنة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يعلمهم هذا. يحب لهم الخير يعلمهم باش يكونوا معاه في الجنة باش يتقابلوا لأنه الله قال على سرر متقابلين. ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا اللي يحب الخير للناس يعلمهم هذا لأنه يحب لهم النجاة هذا أحسن من إعطاء المال لأن المال يأكل وبعد تعرف donc celui qui aime sa famille qui aime le bien pour les gens il leur enseigne ça. Parce que ils se retrouvent au paradis sans fin s'ils meurent sur cette voie-là. C'est mieux donc que donner l'argent. Donner l'argent, ils mangent avec, après on sait ce que ça devient. Donc ça, c'est très important. Et c'est la mission des prophètes. Donc, c'est quoi la raison? Tarif. C'est quoi la raison? Alors, on expliquait c'est quoi la raison. Qu'est-ce que ça veut dire la raison? C'est une caractéristique qu'Allah a accordée à certaines de ses créatures qui leur permet de distinguer le vrai. Très bien. Ah ben voilà. Donc, c'est une caractéristique, bien dit. L'aql, ma huwa sifa. Ja'ala Allah fi man fi thalatha makhluqat. Donc, trois créatures, c'est une caractéristique que Dieu a créée dans certaines créatures, comme il a dit. C'est quoi ces créatures? Il y en a trois que Dieu leur a donné la raison. إذن ملائكة والإنس والجن les anges les djinns et les hommes donc c'est cela qui Dieu a accordé la raison Donc il a dit une caractéristique. C'est quoi? C'est une caractéristique déjà. مهم الإنسان يعرف هذه التعاريف والمصطلحات. العقل ما هو؟ صفة. والمخلوقات تنقسم إلى قسمين. والله خلقكم وما تعملون. Donc parce que les créatures, il y en a que deux sortes. اثنين فقط. والله خلقكم وما تعملون. C'est-à-dire Allah vous a créé et ce que vous faites. Les corps et les caractéristiques. Il n'y a que deux sortes. Donc il faut savoir classer les créatures où. Là, la raison, c'est une créature que Dieu a créée. Donc, c'est une caractéristique. Donc, tout ce qui est autre que Dieu, c'est créé par Dieu. Que ce soit des caractéristiques ou des corps. Donc, Dieu a créé le monde. C'est fatum ou ajsam. C'est fatum ou ajsam. Les corps et les caractéristiques. Donc, la raison, c'est une caractéristique. Donc, c'est une créature. Comme notre volonté, c'est une caractéristique. Si on comprend les bases, c'est facile de comprendre le reste. Donc, on a la raison, on a les sentiments, on a la volonté. Tout ça, c'est créé par Dieu. La volonté, Dieu a créé la volonté. Donc même dans les animaux, ils ont la volonté. Mais ils n'ont pas la raison. Par exemple, nous... on a l'envie de manger, mais les anges, ils n'ont pas l'envie de manger. Dieu n'a pas créé ni la fatigue, ni l'envie de manger, ni de se reproduire. Mais ils sont contents, par exemple, les anges. Ils aiment bien les bons actes, ils aiment bien les bonnes odeurs. Ils n'aiment pas les mauvaises odeurs. Pour ça, c'est bien les bonnes odeurs. Le prophète nous a incité à dire « Al-Malaika tafrah bil » حسنات تفرح بال تحب الرائحة الجميلة وتنفر من الرائحة الكريهة لهذا الرسول حثنا على التطيب ويعني النظافة يعني يسن الإنسان إذا تغيرت رائحة البدن يسن له الاغتسال في الشرع بنية حسنة عنده أجر دونك Le prophète nous a incité à se parfumer, à se nettoyer. Dans l'islam, il est recommandé, si l'odeur du corps elle change, de se laver. Et tu as des hasanat si tu fais pour Dieu. Si waq hatta hatta fi Ramadan. Bah الناس يسألوا لا كيفاش نقول لك لا خلوف في الصائم اطيب عند الله من رائحه المسك. حديث هذا. مش معناها خلي رائحه مش مليحه. مش ما هذا معناه مش هذا معناه مطلوب تنظف إذا تخلي الطعام هذا يعمل رائحة تنظف الرسول حث على السواك كثيرا قال ركعتان بسواك يعني أفضل من 70 بدون سواك يعني شوف دونك البروفيت إن انسيتي بعدين أس نتوايي Donc même, on peut même yani pendant Ramadan faire siwak, mais bon, on fait attention à ne pas avaler. Parce qu'il y a le hadith, la khalufu fami sa'imi atyabu 'inda Allah min ra'ihatil misk. Et ce hadith, ça veut dire que Dieu agrée le jeûne, etc. Et ça ne veut pas dire laisse les nourritures. Parce que ce qui fait des fois donc, beaucoup de mauvaises haleines, c'est que tu laisses beaucoup de nourriture entre les dents. Donc c'est bien se nettoyer dans la religion. En tout cas, إذن, Allah khaliqu qulna sifat wa al-ajsam. هذه قوة الدين تغلب بالعلم. بالعلم تغلب. كيف الكفار يعني دخلوا الفتنة في بلاد المسلمين؟ باش بالجهل. يهزوا بلاد المسلمين في التطرف في الفواحش وكذا في الجهل في مخدرات لما الناس تجي تتشكى عند اولادها في المخدرات وكذا هذا بالجهل العلم قوتنا هي العلم فورس دي ميجمون سي لا سيونس كومون ils ont fait du mal dans les pays musulmans etc avec l'ignorance ils emmènent les enfants des musulmans dans l'extrémisme dans la drogue etc parce qu'à cause de l'ignorance notre force c'est la science Donc il faut comprendre cette science. Donc, on a dit Dieu a créé les corps et les caractéristiques. Donc, ça te permet facilement de comprendre. Beaucoup, ils posent la prédestination, etc. Si tu as compris ces bases-là, c'est très facile. Dieu a créé notre volonté, tout simplement. Notre volonté, elle existe, mais c'est une créature de Dieu, tout simplement. C'est très facile, vous voyez. Finesse, j'ai dit, ok, fait. الله خلق فيك الشعور بالمشيئة والاختيار ولكن مخلوق لله اختيارك خير المشر كل مخلوق لله ما فيش فرق لكن الله يحاسب على يعني تحاسب على أفعال الشر وهو يفعل ما يشاء donc c'est très facile vous voyez Dieu a créé ta volonté tous les actes que tu fais c'est créé par Dieu tout simplement. Il fait ce qu'il veut, il guide et il garde ce qu'il veut. C'est très facile. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre les bases. Donc Dieu a créé les corps et les caractéristiques. La raison, c'est une caractéristique. Notre sentiment, notre volonté, c'est une caractéristique. Mashi'atuna, shu'uruna, bil-jou'i, bil-atash, bil-huzn, bil-alam, aql, yadkhul fi madha, fi qasm, sifat. Jismuna, هذه الأعضاء والروح تدخل في قسم الأجسام إما كثيفة أو لطيفة هواء ظل ظلام notre corps ça rentre dans la catégorie des corps il y a les corps palpables et les corps impalpables l'âme l'air l'obscurité la lumière donc il y a les corps et les caractéristiques des corps أجسام وصفات إذا العقل صفة خلق الله في الإنسان يميز بها بين القبيح والحسن نعطيه مثال مثال قل نصف الاثنين يساوي واحد هذه تعرفها باش بالعقل تعرفها بالعقل دليل عقلي دليلها العقل ليس دليلها التجربة هل تحتاج باش تصدق كيف تصدق إذا قل لك نصف التفاحة تقسم على اثنين نص التفاحة أقل من التفاحة هذا لا تحتاج يعني تجربة وكذا هذا بالدليل العقلي جزء أكون أصغر من الكل لا تحتاج آية قرآنية أو حديث أو تجربة أو ناس يخبروا شافوا لا استعمل العقل هذا دليل العقل الجزء أقل من الكل هذا دليل العقل الجزء أقل من الكل هذا يسموه دليل العقل. Donc, par exemple, la dit, si on dit la moitié de 2, c'est 1. Tu n'as pas besoin qu'on fasse une démonstration, tu n'as pas besoin d'un verset du Coran, d'un hadith. Pour... C'est avec la raison, tu sais que la moitié de 2, c'est forcément 1. C'est un appel obligatoire, rationnel. Tu n'as pas besoin de preuves autres que la raison. Ça, c'est la preuve rationnelle. Et même, l'aql. شاهد للشرع. إذن يسمون هذا ما يسمونه الحكم العقلي. الأمثلة التي تسمى حكم عقلي. الجزء أصغر من الكل. إذن هنا بين شيء اللي هو جهل هؤلاء يقولك ما تحكم على حد. ما نحكموش يقول. هذه لغة ناس يعني. جايين في الإفراد والتفريط خارجين عن الوسط إذا قلت ما فهمش حكم كيف تحكم على نصف الاثنين يساوي واحد أو نصف الشيء يكون أصغر منه هذا يسمى حكم إذن حكم مستند إلى العقل حكم يسمى إذن حكم العقلي هذا يسمونه حكم العقلي أثبتنا أشياء أو نفينا أشياء بمرجعية ترجع إلى الدليل العقلي كذلك ننفي عن الله الحدوث ننفي عن الله الضعف ننفي عن الله التغير الولد بالدليل العقلي بالدليل العقلي حكم العقلي إذن هذا بيننا أنه موجود الحكم فهذا الناس اللي يقولك ما تحكم على حد هذه كلمة غالطة لابد تحكم بأدلة إما أدلة عقلية أو أدلة شرعية مثال واحد يسرق حرام حكمت عليه بفعل عمل شيء مش مليح باش حكمت عليه بدليل شرعي لأن الله حرم السرقة. ما يصليش فاسق حكمت عليه بالفسق لأنه الله نزل فرضية الصلاة وتحريم تركها. إذن هذه نجاهلين بالأصول هذه يتكلم من الكلام هذا يقول لكم نحكم على حد نحكموش يقول لكم نحكموش هذا جاهل. Donc ça montre ici, quand on dit il y a le jugement, les preuves, les exemples qu'on a donnés, on a dit c'est un jugement rationnel. On a confirmé une chose, on a nié une chose. On a confirmé que moitié de deux c'est un. On a nié que la partie d'une chose soit plus grande que la chose. C'est un jugement, c'est un jugement, ça s'appelle un jugement. On peut dire avec le jugement rationnel, nier que Dieu a un fils, nier que Dieu soit faible ou impuissant ou qu'il a un début. C'est un jugement rationnel. Jugement, avec le jugement, on confirme ou on infirme. Donc ça montre la stupidité de ceux qui te disent, dans l'absolu, tu dis non, on juge personne. On juge pas. Beaucoup de gens, ils parlent, tu dis non, mais juge personne, tu dis mais. Dans la vie, c'est rempli de jugement la vie. Quelqu'un qui vole, tu dis c'est pas bien. C'est un jugement. C'est un jugement par rapport à quoi ? À la religion. C'est pas bien de voler, c'est pas avec la raison. Tu sais que c'est pas bien de voler. C'est avec la parce que Dieu a interdit de voler. Donc ça s'appelle un jugement religieux. Selon la loi de Dieu. La moitié du 2 est égale à 1, c'est un jugement rationnel. La moitié d'une chose ne peut pas être plus grand que la chose. C'est un jugement rationnel. Donc il y a toujours des jugements, que ce soit jugement rationnel, religieux, et le troisième cas, on l'a cité l'autre fois, c'est quoi ? C'est le jugement habituel. Je ne sais pas, tel gâteau, il est succulent, ou il a tel, il se digère bien, ou tel pain, il se digère facilement, pas facilement, etc. Ou telle nourriture, elle a tel goût, ou tel... plante, elle a tel goût, ça s'appelle jugement habituel, selon l'habitude, l'expérimentation. Ça enlève le mal de tête, je ne sais pas, c'est un jugement. Donc, selon l'habitude et l'expérience. On a le hukm al-aqli, le hukm al-shar'i ou le hukm al-aadi. هذا نوع من الأكل سهل الهضم مثال. هذا ليس بالدليل القرآني ولا حديثي ولا بالدليل العقلي ولكن دليل عادي والتجربة هكذا. إذن الحكم العقلي أو الشرعي أو العادي بهذه تحكم على أشياء. إذا مثال التمر حلو أو مثال البنان حلو موز حلو إذا يبدأ ناضج التجربة عرفت هذا. Donc par exemple les bananes sont mûres quand elles sont mûres elles sont sucrées. Ça c'est une preuve, un jugement selon l'habitude. Donc on va pas dire non tu juges pas comme ceux qui disent ça. Donc on répète pour que vous ayez les arguments parce que des gens même soi-disant imams ils sont vraiment ils connaissent pas les bases. Si quelqu'un ne connaît pas les bases il s'égare facilement. Il te dit ne juge personne. مثل تلقى إنسان يسب الله وبعد يقول له عادي أو تلقى إنسان يتمسخر بالرسول والناس تصفق له وتحارب من أجله وهو يسب في الرسول يتمسخر بالدين لأنه هذا الناس ما تعلمتش الأحكام. الحكم الشرعي الواضح وصريح في القرآن يسب الله يسب الرسول كافر. يعني هذا الناس ما تعرفش قواعد حتى قواعد الحياة هذه. يعني تحكم ربي خلقك ونزل شيء هو فرضه هو خالق العالم هذا ما يفهمش الحياة اللي ما يفهمش شرع الله هذا ما يفهمش الحياة. الله خلقك وعطاك السمع والبصر شوف انت يعني حتى صبع يتحرك تقول سبحان الله الحمد لله. ما فهمش هذه الأشياء فهم شرع الله ما فهمش الحياة هذا ما فهم شيء هذا اللي ما وفق شرع الله الله ماذا قال في القرآن؟ شوفوا الله ماذا قال: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الرسول قال: إنما يسوقه الجعل بمنخري خير عند الله من هؤلاء المشركين. قذر قال: خير عند الله من المشركين الكافر، يعني بأنواعه، لما يوفق شرع الله زاد مشرك كافر، لما يوفق شرع الله ليس مسلما. خير عند الله يعني هذا القذر عند الله خير من هذا الإنسان. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. Donc celui qui, dans l'islam, on a vu le verset qui dit ce qui signifie donc إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا. Les pires des créatures, selon le jugement de Dieu, sont les mécréants. Parce que c'est le pire des états. Celui qui ne suit pas la loi de Dieu, c'est le pire des états. Ça fait mériter l'enfer pour l'éternité. Il n'a rien compris à la vie. Celui qui n'a pas compris la loi de Dieu, il ne suit pas la loi de Dieu. C'est Dieu qui t'a donné le fait d'exister, de respirer, des yeux pour voir, etc., etc., etc., etc. وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا. C'est-à-dire, si vous essayez de dénombrer les bienfaits que Dieu vous a accordés, vous n'y arriverez pas. Et donc, هذا الحكم الشرعي. إذا في ناس يعني تشوف الجهل من علامات الساعة. واحد يتمسخر ويقول للناس معليش سب الرسول، والناس مازال تتبع فيه وتصفق له وتجمع له في المال وسموا فيه عالم مسلم وكذا، هو يقول للناس قدام الناس يقول معليش سب الرسول. لو كان حذا عمر بن الخطاب راه طير له راسه. وهذا الناس مازال تتبع وتصفق له ويناقشوا. Des gens tellement ignorants des bases qu'ils se disent musulmans, quelqu'un il va insulter Dieu ou il va se moquer de l'islam et il le considère musulman. مثل هذا اللي ما يؤمنش بالاحاديث موجوده هذه. انا كنت اخيرا في البلاد، واحد قال ما نصدقش بالاحاديث، يتبع في الانترنت وهذه موجوده، يقولوا نحن ما نؤمنكمش بالقران. هذا كافر بالله اللي ما يصدقش الاحاديث النبويه، اللي يردها جمله هذا يشكك في النبوه. والناس يقول له أخي كذا السلام عليكم يجي الجامع، هذا كافر لا يصح له صلاة ولا صيام حتى يتشهد. دونك يا دي جون يكون با سي ريغلو لا نابورت كي لا اون بار بي يدي الحمد لله بوغو ساي سي يدي الحمد لله بوغو ساي سي ان مسلمان ميم سي سموك دو الاسلام ميم سي اي روني كوم سارتين روني تو لي حديث دو بروفيت. دونك يا دي ريغل دون الاسلام. Celui qui renie les préceptes de la religion, il n'est pas musulman, même s'il est arabe. Et donc, le hukm qu'on a l'aqli, le hukm shara'i, le hukm al-adi. Le hukm al-adi, il y a un hukm al-adi. Il y a un hukm al-adi, il y a un hukm al-adi. Il y a un mouhandis, il y a un battal, il y a un ouzir. Il y تلقى الناس يعني يتكلموا هذا الكلام جاهلين بالدين، جاهلين بالحقيقة. إذن الحقيقة هي الشريعة، الحقيقة هي الشريعة. تلقى حتى ناس زعما يسمي روحه صوفي ويسمي روحه خروج، تحكي معهم تقول له قال الله، يقول لك قال الشيخ، يعبدوا في الشيوخ. بعض الناس شخصية حكيت معهم قلوا هاو قرآن هاو حديث، قال الشيخ ما عادش فيها كلام. الله قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. عبادتهم لهم ليس هم يعتقدون أحبارهم يخلقوا شيء، إنما طاعتهم فيما خالفوا به شرع الله، حللوا وحرموا عند أنفسهم. وهذا موجود عندنا زاد. تاع فلان عنده لحية تعدى قاعدة في القناة العربية في قناة مشهورة، ولو خالف القرآن قال الشيخ. إذن هذا إذا يموت كما يكون هذا يعني إمامهم، يوم يدعى كل ناس بإمامهم، إمامهم في الضلالة يتبعوه هذا مع أهل النار. Donc il y a des gens, ils contredisent clairement le Coran et le Hadith, et les gens ils suivent aveuglément. Ils suivent aveuglément parce qu'ils n'ont pas compris ces règles-là. Même des gens qui se prétendent faire, tu les vois tous les jours en kamis, ou jamais ils pleurent, ils disent qu'il fait da'wa, ils disent qu'il est soufi, mais ils vont adorer, tu dis voilà le Coran qui a dit, voilà la preuve, tu dis le shir il a dit, ils suivent aveuglément le shir, tel shir, aveuglément. Et ce que cela, Allah dit, nous apprend que, et des gens ils sont devenus mécréants en adorant leur chef religieux. Le verset, ils suivent leur chef religieux, ils les adorent. Le Coran nous apprend qu'il y en a, ils adorent des chefs religieux. Pourquoi? Ils savent pas, ils savent bien que le chef, il ne crée rien du tout. Mais, le fait qu'ils les suivent, dans ce en quoi ils ont contredit la religion. Ils croient qu'ils ont le droit de rendre halal et haram selon leur propre chef, de contredire la religion. Certains, ils croient, le shir, leur shir, il a dit c'est comme ça, même si ça contredit le hadith, pour eux, c'est ok. Et ça, c'est adorer autre que Dieu. Ça, c'est du shirk. C'est ça qu'il disait dans le verset. Et il y en a des gens comme ça. Parce que ça vient de son pays, parce qu'il a une barre, parce qu'il passe dans une chaîne connue. Parce que, voilà, beaucoup de gens le suivent, la foule, il suit le mouton, il suit la foule. Bien que le mouton, les vrais moutons, ils ne vont pas en enfer. Les vrais moutons, ils sont mieux que celui qui est égaré. Les moutons, ils ne vont pas en enfer, ils ne sont pas mécréants. Alors que le mécréant, c'est l'enfer pour l'éternité. « Wa yaqulu al-kafiru ya laytani kuntu turaba » Il souffle le haïwanet, c'est le turab. C'est dit dans le Coran que quand il verra les animaux se devenir poussière, il dit « Ah, si j'étais comme eux !» Ça veut dire « Eux, ils sont mieux que lui. »« Ah, si j'étais comme eux, pour devenir poussière, ne plus ressentir la douleur. »« La yamoutu fiha, wa la yahya. »« La yamoutu yartah min al-adab, wa la yahya hayat hani'a wa sa'ida. »« Wa nadaw ya malik, ul yaqdi alayna rabbuk. »« Qala innakum makifu. » Malik, il jouait après 1000 ans. Malik, khaz al-nar, mais yadhakch. Hatta chef al-rasoul, mais yadhakch. بعد 1000 سنة إنكم ماكفون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم الحق كارهون تعطيهم دليل لا ما عجبوش يحب يتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا كلهم دليل كذا لا نحن كبرنا على هذا أنت تقول كما قالوا في عهد الرسول إن وجدنا أبانا على أمة وإن على آثارهم لمهرعون يقول لك إيش راديو فلان ومسجد فلان هذاك المرجع يقول لك ما يحبش يشوف الدليل إيه تعودنا يقول لك كما واحد بينا هيك نحن ونشوف ونخرج ونراقب الفجر أو جاء قال لي مسجد باريس كها ونتبعوا مسجد باريس هذه شوف الدليل وريقنا باش نشوف ونشرحوا وكذا قال لك مسجد باريس هي دليل شرعي مسجد باريس راقبنا وشفنا ومشينا في الليالي والناس خرجوا معانا وشافوا حطينا اوقات جاء قال لك هذه مسجد غادي اوريون مسجد باريس هذا يتبع في الهواء تبع في الدليل دونك il y en a, ils suivent les passions, on a dit. Ils ne suivent pas les preuves. Et Dieu nous apprend qu'avant, il disait au prophète, on a trouvé nos grands-pères sur cette voie, ça y est. Pourquoi on ne veut pas réfléchir à ce que tu dis là. Il y a des gens, c'est comme ça. Tu donnes les preuves et tout, tu dis non. Un tel, c'est, entre guillemets, c'est la star de la télé. C'est connu sur YouTube. Ah, il a plein de vues sur YouTube, sur Google. Tu tombes le premier, tu tapes, tu tombes le premier. Pour eux, c'est ça la preuve. Comme par exemple les horaires, on a envoyé des gens observer dans plusieurs villes, dans plusieurs pays du monde, on observe, on fait attention, on fait les efforts. Et des gens, quelqu'un il a dit, ouais, mais pourquoi les horaires, mais la mosquée de Paris, c'est... tout cet effort-là, avec les preuves, etc., les versets, on explique, on part, on a invité des gens à observer dans la nuit, dans le froid, dans le vent. Et quelqu'un vient dire, hey, la radio, ah, l'application, j'ai l'application, il te dit. C'est-à-dire, ils ont dit, hey, on a trouvé nos grands-pères, c'est, nos parents, c'est comme ça, qu'est-ce que tu racontes, toi? Et on dit ça. قالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. C'est dit clairement, ils ont dit, ah, mais c'est étonnant ce qu'il dit là, c'est nouveau là. Et dans le Coran, ils disaient magicien, poète fou, etc. حتى لهنا بعض الناس بقى ناس لهنا عدي في الزطلة وكذا يقولك آه غادي ما تمشيش آه غادي ما تمشيش يقول لك غادي ما تمشيش غادي يقولوا حاجات. الرسول كان وقت كان يدعو الرسول كان واحد يتبع فيه يقول له كاذب ما تتبعوهش بالدليل بلاش دليل. بعض الناس يجي يقول ما تمشيش غادي يصلوا على النبي بعد الاذان. قاعد نسرق نصلي بعد النبي بعد الاذان؟ شكون النبي هذا؟ هذا افضل من جبريل سيدنا. الناس تستدعي في الرؤساء في المساجد وكذا مش يعطيهم الدراهم تصلي على النبي وما أدراك. قالوا ما تمشي غادي يصلحوا النبي يعملوا الذكر بعد الصلاة حتى أم كلثوم أنا بعد الصلاة مو ذكر الله بدعة. قال لها بدعة المولد تحكي على شكون؟ على أفضل الخلق أفضل من جبريل. قل لي بدعة قل لك يعملوا الذكر بعد الصلاة تذكر الله في كل حالة تذكر الله خلق العالم. قالها يذكر الله قال يذكر الله بعد الصلاة مش يصلوا على النبي بعد الآن. الرسول شاف واحد زاد قالوا رأيت بضعا وسبعين ملكا بضعا وثلاثين ملكا يمتددونها أيهم التوب الأول. واحد زاد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الرسول علمهم سمع الله لمن حمده. واحد من عنده زاد الرسول كان يصلي إمام زاد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. زاد عنده الرسول قال بعد السلام قال من المتكلم؟ قال أنا يا رسول الله. قال رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها أي مكتوبة الأول. اجساب ما قالوا شاب لا هذا منين زدت من عندك أنت مسكر اللي قلت لكم عاد زيد كلمة. فرح الملائكة قال لك قبل ما يتكلم الرسول الناس ما فهم شيء من الدين يقول لك مش الغادي. يقول لها الرسول ما أدراك قالوا ساحر ما تتبعوش مش بالقرآن قالوا شاعر وسيدنا نوح كانوا يتمسكوا فيه ويضربوه لين يغمى عليه لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما 950 سنة يدعي وما آمن معه إلا قليل. Donc il y a des gens ignorants ils suivent comme ça et tu dis va pas là-bas. Parce qu'il y a la vérité, Shaitan n'aime pas la vérité. Comme le prophète disait, ne suivez pas. Sayyidina Nuh, il le frappait jusqu'à il s'évanouissait. Il restait combien 950 ans, s'il dit dans le Coran. Il l'appelait Al-Islam. Donc il y a des gens ignorants, et il ne veut pas la preuve. Il y a un homme qui est un jahil. Il y a un homme qui est un jahil. يساب عليها العلم عامة في الجهل قصدك تغلبها ما عندكش عذر فرض عليك باش تغلبها باش تفيق باش تنجو يوم القيامة. نزيل قداش أيامات كل واحد يصلوا عليه باش يدفنوه فما واحد منا مش يدخل القبر ما ثمش هذا رئيس فقير غني باش يدخل القبر. يا با parmi nous qui rentre pas dans la tombe riche pauvre président ou pauvre il va rentrer dans la tombe. إذن قلنا شفنا أقسام. إذن قلنا الحكم إما عقلي أو شرعي أو عادي جوجمون أو راسيونيل أو ريليجيو أو سلون لابيتود. Donc vous voyez c'est pas quelqu'un il vient il manipule il dit n'importe quoi non n'importe qui on pèse sa parole. سيدنا عمر la femme elle a pesé sa parole. سيدنا عمر المرأة خليفة قال ما لا تغالف مهور النساء وكذا معروف القصة. قلت يا أمير المؤمنين حق تبع كلامك كتاب الله. قال بل كتاب الله. قلت قال تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. ما قالش عمر نتبع مغمض عيني، عمر هل يوجد أعلم من عمر الآن؟ شيخ ولا دكتور فما أعلم من عمر هذوما؟ مع هذا عمر أخطأ وقال قدام الناس، قال أخطأ عمر وأصابت امرأة. تواضع، هيك الدين علمنا. الدين يقول، عبد القادر الجيلاني يقول إذا علم المريد من شيخه الخطأ فلينبهه، فإن رجع فذاك الأمر ولا فليتركه ويتبع الشرع. دونك عمر est-ce qu'il y a docteur ou 100 fois docteur, est-ce qu'il y a des gens maintenant ils sont savants, aussi savants que Omar? Il a appris avec le prophète, il a dit que tu vas au paradis, il a dit Shaitan il prend un autre chemin que toi. Et pourtant Omar, une fois, une histoire très connue, il parlait et il s'est trompé, une femme l'a corrigé avec un verset. Il s'est trompé sur la date des femmes, il lui a donné un verset et il a dit Omar s'est trompé, une femme a dit vrai. Il n'a pas dit, hey, t'es qui toi? Tu parles avec Omar, j'ai appris avec le prophète, moi j'ai garanti, je vais au paradis. Et c'est vrai, il a garanti, il va au paradis. Le prophète, il a dit, Omar, Abu Bakr fil Jannah, Omar fil Jannah, Othman fil Jannah. Yani, ma'rouf, le hadith al-Ashar al-Mubashari, donc c'est un hadith très connu, les 10 que le prophète leur a dit qu'ils vont au paradis, il y en a d'autres. Il a la garantie par le prophète qu'il va au paradis, pourtant, il a dit, Omar s'est trompé, une femme a dit vrai. Que dire là, les faux cheikhs, les faux charlatans, il y en a. On pagaille, comme on dit. Ils trompent les gens et. Donc, ils ramassent l'argent pour. La plupart, c'est. En fait, et la plupart, ils égarent, ils gagnent de l'argent sur l'égarement. C'est double peine. Et même l'égarement, ils ne le donnent pas gratuitement. L'égarement, c'est pas bien, gratuit ou pas gratuit. Ils touchent de l'argent. Et la plupart qui égarent les gens en masse, il touche des grosses sommes. Hein. C'est pas une plaisanterie. Il touche des grosses sommes, des grosses Mercedes, etc. Des grosses villas. Et ça, c'est la vérité. J'ai fait faire la recherche, vous allez voir. Mais en tout cas, pas besoin de rechercher. Celui qui contredit le Coran et le Hadith, on ne suit pas. Comme il dit, le grand vertueux très connu, Abd al-Qadir al-Jailani, il dit, si l'élève, il voit que son enseignant se trompe, il le corrige. S'il accepte, c'est bien. S'il n'accepte pas, il quitte l'enseignant et suit la religion. C'est ce qu'il enseigne l'islam. C'est pas, ah non, cheikh, ça y est. C'est ce qu'ils font, certains groupes là, qui se croient à fond dans la religion. Comme a dit Allah Ta'ala, « قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالَ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يَحْسِنُونَ أَصْنَعَ. وهي خروج وهي مع شنو وهي حظر الذكر وهي جهل فوق جهل فوق جهل. جماعة استدعونا في الذكر، زعم في الذكر مشيت قلت قريب الحيط مش يطيح بالاه. انا حسنت الظن، قلت بصراحة حسنت الظن، قلت تعملوا رياضة بالتنفس، رياضة تنفس ما فيش بأس. قلت أنا رياضة تنفسية هذه، تنفس من عشان نوي عم في رياضة تحسين الظن للآخر كما أقول. قال لي لا في بالكش أنت هذا ذكر. قلت شنو؟ إيش تحكي؟ قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. مني سمعت ذكر، ولما قال لفظ للشكاية والتوجع. كيفاش تذكر الله الله هذا ذكر، اما هذه هذو ناس وعندهم جمعيات حتى لهنا مشيت لهم نحكي معهم قالوا لا، قال لي حديث صححه فلان تاع يوتيوب، هذا معروف اليوتيوب، قلت نضحك هو امام كذا جاي من بلاد عربيه وقاري قران، قال لي هذا حديث صححه فلان. فلان وقتاش يصح الحديث فلان هذا معروف في اليوتيوب، مش نذكر الاسماء تاعهم هذا ما عندناش وقت، اما تشوف ناس يعني مهزله تاع الشيطان. لهذا الرسول عليه الصلاه والسلام ماذا قال؟ لفقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد. شوف فهم زعما يبكي وخروج يقول لك هو جاهل ظلام. 101 ما تكفيش. Donc on a vu que la bonne intention ne suffit pas. Il y a des gens, les armes, ils sont miskins, gentils, ils veulent faire le bien, ils veulent faire dawa, comme il dit, ils veulent faire soi-disant spiritualité. Mais Allah dit dans le Coran, قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Il y en a, ils sont égarés, ils pensent faire le bien, mais ils sont égarés. Ils pensent faire le bien, mais ils sont égarés. C'est clair dans Sourate Al-Kahf. Donc il y a des gens, même ce cadre des vaches, il pense pas faire le méchant. Hein. Il pense faire le gentil, le spirituel. Mais en réalité, il est égaré. Rationnellement, la raison confirme qu'une vache, une statue, un rat, ça ne peut pas être Dieu. Même un homme, c'est... Un rat, une vache, une statue, un homme, le soleil, la lune, tous, ils ont une forme, une quantité, ont besoin de qui leur a donné la forme, la quantité. Et celui qui a besoin, il ne peut pas être Dieu. Vous voyez, une preuve, apprenez. Celui qui veut se moquer de la religion, tu donnes cette preuve. Isté. Une fois, quelqu'un, il voulait... J'étais dans un mariage, hein, des gens haut placés et tout, et il voulait... blaguer sur la religion, je ne suis pas rentré dans son jeu, je lui dis d'abord, l'islam c'est la seule religion conforme à la raison. Toutes les autres religions, ils adorent une vache, une statue, ils disent Dieu est trois. Tout ça, ça implique une forme, une quantité, une localisation. Et celui qui a une forme, une quantité, a besoin de qui lui a donné cette forme, cette quantité. Et celui qui a besoin, il ne peut pas être Dieu. Le besoin contredit la divinité. Ça y est, la femme, ils avouent, ils s'est arrêté. Donc il voit qu'il est hors jeu. Donc. Il s'arrête, et comme ça, tu es tranquille, tu n'as pas besoin de faire un débat, oui, sur tel sujet, sur l'islam, sur la prière, le jeûne, les femmes, je ne sais pas quoi. Il y a une preuve. Il s'arrête. وهذا تقنع به ناس, في ناس دخلوا الإسلام, الحمد لله. هذا الدليل مهم في الإسلام. نحن سبب, لكن طبيب, هو سبب الطبيب, لكن يتعلق بالأسباب. ثم طبيب ماهر من ما يعني ما أمهر من آخر. الدين كذلك خص الدليل والله هو الهادي. Donc la religion, t'as besoin d'apprendre les causes, de convaincre. C'est Dieu qui guide. T'apprends les causes. Le médecin, c'est juste une cause, mais le médecin est plus doué que d'autres. Donc il a appris les causes comment soigner les gens, mais il change pas ton destin. Que les causes, c'est Dieu qui crée. Toi, tu fais les causes. De toute façon, toi aussi, t'es créé, tes actes sont créés par Dieu. إذن قريب ننهي إذن قلنا هناك الحكم العقلي هناك الحكم الشرعي هناك الحكم العادي. Donc il y a le jugement rationnel, jugement religieux, jugement habituel. Comme ça, ceux qui sont dans délire entre guillemets, ah tu juges personne, d'où tu dis toi t'es vraiment à côté de la plaque, il y a plein de jugements dans la vie. Déjà, le fait que tu dis ne juge personne, c'est un jugement. Tu as stipulé qu'il ne faut pas juger, donc tu as fait un jugement. Mais tu l'as inventé de toi-même. Donc tu te contredis, tu dis tu ne juges personne, c'est une contradiction en réalité. Parce qu'il donne un jugement, il nie qu'il y a un jugement. Selon lui, alors s'il n'y a pas de jugement, il devrait se taire et tomber par terre, ou je ne sais pas, ou s'enfuir, ou... حتى اللي يقولك ما تحكم على حد هو ديجا اعطى حكم معناه متناقض هو يعني هناك الحكم العقلي الشرعي العادي جوجمون راسيونيل هابيتويل اي ريليجيو بون جوجمون ريليجيو يا بلان دو شو حلال حرام كونسيي دي كونسيي بيرمي انديفيرون مباح مكروه احكام فهذيك يعني ما شاء الله ادله وكل يعني الدليل كذا كيف يعرف الحرام المباح إذا شيء هو يكون مباح أصلا إذا ما فهمش دليل للتحريم فيك هذه الأحكام الشرعية المكروه فرض عين فرض كفاية هذه أحكام ما شاء الله فيها تفصيل وكل كيفاش عندها أدلتها وكذا الحديث الصحيح يثبت به الحكم في الحلال والحرام كذا نحن لكن قلنا أكثر نتكلم عن هو الدليل العقلي الحكم العقلي الحكم العقلي ينقسم إلى ثلاثة الواجب والمستحيل والجائز الواجب والمستحيل والجائز donc jugement religieux donc il y a حلال حرام indifférent permis à l'origine la chose est permise tant qu'il n'y a pas une preuve que c'est interdit. Donc ça permet de savoir justement, c'est pas comme ceux qui les extrémistes là, ils peuvent dire ah, bida, bida. Le prophète n'a pas dit tout ce qui est nouveau c'est haram. Voiture, ça n'existait pas à l'époque du prophète, le micro, ça n'existait pas à l'époque du prophète. Comme il y en a, il m'a dit, bon, j'ai pas vu, il faisait des discours, il disait bida, bida, après il a frappé le micro, il a dit même ça, il s'est bida. Donc, selon lui, alors il faut éteindre, plus de tapis, plus de téléphone, puis. Donc ça, c'est avec des jugements religieux, tu sais, que c'est permis, parce que la règle a dit que c'est permis tant qu'il n'y a pas une règle qui est interdite. Mais c'est vrai, le micro, tu peux utiliser pour le haram, pour dire des mauvaises paroles. Ou le téléphone, ou la voiture, tu peux utiliser dans le haram. Le couteau, tu peux cuisiner, et tu peux tuer. Donc, ça dépend de l'utilisation, etc. Donc, il y a des détails religieux. Donc, nous, on voulait parler plus de jugement rationnel. Vous voyez, jugement habituel, religieux et rationnel. Le jugement rationnel se divise en trois. Donc, se divise en trois. C'est quoi ? Obligatoire, impossible et possible. Rationnellement, tu juges les choses avec trois. La moitié de deux. C'est quoi? C'est obligé. Ça s'appelle obligatoire rationnel. La moitié de 2 est égale à 1, c'est obligatoire. Est-ce qu'un corps, il peut bouger, il peut bouger en même temps? Non, ça s'appelle impossible rationnel. La réunion de deux choses opposées est impossible rationnellement. Est-ce que l'être humain, il aurait pu faire 100 mètres de haut? C'est possible rationnel. Saïdna Adam, il faisait 60 coudées dans le hadith et les gens au paradis. Ça s'appelle possible, rationnel. Est-ce que le feu, il peut être froid? Oui, c'est possible, rationnel. Le feu, il peut être froid, chaud, pas froid, ni chaud. Saïdna Ibrahim, le feu, il n'a pas brûlé. Ça, c'est possible, rationnel. La lune peut être se diviser en deux, en trois, en quatre. C'est possible, rationnel. La lune s'est divisée en deux pour le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, comprenez? Possible, rationnel, ça permet de comprendre ces sujets-là. Les miracles des prophètes, c'est possible, rationnel. Sauf que ça s'appelle quoi? Extraordinaire. C'est-à-dire, d'ordinaire, c'est pas comme ça. D'ordinaire, le feu, il brûle. Quand il brûle bas, ça s'appelle extraordinaire. Le feu, il n'a pas brûlé, c'est Ibrahim. La lune, d'habitude, elle est complète. Si elle se divise en deux, c'est extraordinaire. Mais c'est possible, rationnel. C'est un corps, ça admet deux parties, trois, quatre, cinq. Donc, c'est divisé en deux pour le prophète, comme c'est dit dans le Coran. Donc, celui qui comprend ces sujets-là, et comme ça, il ne va pas douter des miracles des prophètes ou remettre en cause. Un animal, il peut parler. Rationnellement, il admet, c'est possible, rationnellement, qu'il parle. À l'époque du prophète, il y avait des animaux qui ont parlé. Il l'a dit le prophète. C'est possible, rationnel. Mais, ça s'appelle extraordinaire. Parce que d'ordinaire, n'arrive pas. يسمونه إذن أمر خارق للعادة النار في العادة تحرق إذا لا تحرق النار يسمى جائز عقلا لأنه هي جسم تقبل هذا وهذا إنما يسمى خارق للعادة لهذا معجزات الأنبياء يسمى خارق للعادة لهذا بالعامية نسخ الخرق العادة في عنا في البلاد متوكا في تونس هي كلمة صحيحة لأنه الأشياء اللي يشوف فيها أمور عادية هي في العادة عجبوا حاجة كل خارق العادة هو في الحقيقة مش خارق العادة خارق العادة مثال لو قدامه الكلب يتكلم على أنا صحيح خارق للعادة يشوف البقرة كما في عادة ذيب في عادة الرسول واحد شاف الذيب تعرفوا قصة شا الراعي جاء بشي واحد بشي هز من واحدة من الغنم الذئب يخي جاء الراعي بشي يمنع قال له جلس الذيب قال له اتقي الله كيف تحول بيني وبين رزقا ساقه الله لي قالوا يا عجب هذا ذيب يتكلم قالوا أخبرك بأعجب من ذلك رسول الله يحدث يعني الناس بأنباء ما قد سبق ومشى كان في بداية هذه في بداية دعوة الرسول ما انتشرش مازال الخبر مشى هكا ولقى الرسول معه مجموعة من الناس وحكى له الرسول يعني قال له يحدث الناس وكذا يعني بينوا يبين هذا أن الرسول على حق. Donc, par exemple, à l'époque du prophète, il y avait quelqu'un, c'était au début de l'appel à l'islam du prophète, et il y avait un loup, il voulait attaquer une brebis en mouton dans le troupeau, le berger, il allait sauver le mouton. Le loup, il s'est assis, il a dit, tu crains pas Dieu, tu te interposes entre moi et une subsistance que Dieu m'a facilitée. Le berger, il dit, t'es étonnant. Il dit, c'est étonnant, hein, un loup qui parle. Il a dit, je te montre plus étonnant. Le messager de Dieu, il parle des gens, des événements d'avant. Et il est parti. Il a trouvé, il s'est renseigné, il a trouvé le prophète avec une foule, il leur parle. Il est parti, il a raconté au prophète. Et le prophète, il a confirmé. Il a dit, ça c'est, yani, c'est parmi les signes de la fin du monde. Et puis ça, c'est une preuve. C'est une chose extraordinaire qui montre que le prophète est véridique. Pour appuyer le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, ça s'appelle possible rationnel. Le corps, il soit petit, grand, qu'il a telle forme, telle taille, etc. C'est le possible rationnel. Mais, un corps qui soit la réunion de deux choses opposées, ça s'appelle impossible. C'est l'impossible rationnel. Tu ne peux pas être mort et vivant à la fois. Tu ne peux pas bouger et pas bouger en même temps. Le mouvement et l'immobilité ne se réunissent pas en même temps. Ça s'appelle l'impossible rationnel. Donc, إذن اجتماع الضدان مستحيل عقلا. مستحيل يكون إنسان حي وميت في نفس الوقت. أنه يتحرك وما يتحركش في نفس الوقت هذا لا يقبله العقل. هذا مستحيل عقلي. يعني مهم تعرف هذا وتفهمه وتحفظه. هذا يسمى مستحيل عقل. أما هذا يكون كبير أو صغير، التليفون قادر يكون كبير أو صغير. الله قادر. يعني لو شاء الله لجعل النمالة قد هذه، أليس يكون في العقرب عقرب مثل البغل في جهنم، والحية كالواد. تصور أنت حية قد هذا اسمه لاسين، تشوفها تموت. فالله قادر على كل شيء. إذن يقول الله قادر على كل شيء، الكلمة على الجائزات. قدرة الله أحفظها بشكل مرة جاية حتى المرة القادمة نشرح أكثر. قدرة الله تتعلق العقلي. قدرة الله تتعلق بالجائز العقلي، لا تتعلق بالمستحيل ولا بالواجب. Donc la puissance de Dieu, quand on dit Dieu puissant sur toute chose, ça on parle des possibles rationnels. La puissance de Dieu concerne ce qui est possible selon la raison. La puissance de Dieu concerne le possible, parce que le possible c'est ça qui admet tel état ou tel autre. Donc la puissance de Dieu concerne ce qui est possible rationnel. Qudratullah tata'allaq bil ja'iz al-aqli. Qudratullah tata'allaq bil ja'iz al-aqli. La puissance de Dieu concerne ce qui est possible selon la raison. L'impossible n'admet pas la négation et l'obligatoire n'admet pas la confirmation. Donc la puissance de Dieu concerne l'obligatoire rationnel. Qudratullah tata'allaq bil ja'iz al-aqli. هذه واحد خاصه يحفظها. قدرة الله تتعلق بالجائز العقلي، هذا معنى الله قادر على كل شيء، معناه الجائز الممكن العقلي. هذا مهم، هذا بينه المرة القادمة إن شاء الله بالتفصيل أكثر. Donc la puissance de Dieu concerne ce qui est possible rationnel. Ça c'est important à retenir par cœur. Sinon tu peux tomber dans le piège. Si tu connais pas, tu peux tomber dans le piège. Il se peut qu'ils viennent chez toi, ils t'arrêtent, même des non-musulmans comme des chrétiens. L'autre fois, devant moi, il y avait un frère, garde d'une heure, un chrétien, il prêchait, il a arrêté trois filles voilées. Et il les a fait toutes tomber dans la mécréance. Devant moi, il y avait un frère avec moi. Il prêchait, elles allaient à la fac, trois filles voilées. Il les a arrêtées, il leur a dit des phrases, sans tomber dans la mécréance. Pourquoi ? Parce qu'elles ne connaissent pas le sujet qu'on a cité là, juste maintenant. C'est quoi le sujet ? La puissance de Dieu concerne le possible rationnel. L'impossible n'admet pas la confirmation de l'impossible. C'est de l'absurde. L'impossible ne peut pas devenir possible. La réalité de la chose ne peut pas s'inverser. Et donc, le mustahil la yanqalibu ja'izun. Qalbu al-haqiqati muhalun. Al-haqa'iqi muhalun. Hadi qabl li alim fa fi zaytouna. Fi al-qarawin, fi fas, ou fi dzaïr. في الأزهر قلب الحقيقة محال، المستحيل لا ينقلب جائزا، لا يعقل. هل يعقل يعني الشيء يتحرك ويسكن في نفس الوقت؟ لا يعقل. إذن قدرة الله تتعلق بالجائز العقلي، المستحيل لا يقبل الوجود أصلا فلا تتعلق به القدرة، المستحيل لا يقبل الوجود أصلا فلا تتعلق به القدرة. الإنسان ما يعرفش قد يقع في الكفر والضلال. واحد معروف معروف الناس كل تعرفه لهنا الضم، يعمل ديما مناظرات مع النصارى وقعوا في الكفر عدة مرات، لأنه شنو حافظ كتبهم ماكش حافظ القواعد، حافظ الكتب تاعهم والتناقضات تاعهم لكن مش حافظ قواعد الدين، ما هو الجائز وهو المستحيل. إذا مش قلنا تحظاها قدرة الله تتعلق بالجائز، والمحال لا يقبل الوجود أصلا، المحال لا يقبل الوجود، والواجب لا يقبل النفي. قدرة الله تتعلق بالجائز العقلي، قدرة الله تتعلق بالجائز العقلي، قدرة الله تتعلق بالجائز العقلي. كل علماء اللي يفهم من أول مرة خص يعاود درس بين 5 و10 مرات. قدرة الله تتعلق بالجائز العقلي، حفظها. قدرة الله تتعلق بالجائز العقلي. يجي يناقش في أمور هذه التفاهات متاع الفلاسفة الملحدين، شد في بالك قدرة الله تتعلق بالجائز العقلي. تقولوش لا إيه لا لا، قل قدرة الله تتعلق بالجائز العقلي. كاكاي فياي فيلوزوف سور سي سوجي لا يا تريبي ديو لي فيس لا تريبي ديو لاسوسيي. لا فراز ا روتينير لا بويسونس دو ديو كونسيرن لو بوسيبل راسيونيل. On va pas plus loin. La puissance de Dieu concerne le possible. L'impossible n'admet pas l'existence. Donc, il n'est pas concerné par la puissance de Dieu. Donc, la puissance de Dieu concerne le possible rationnel. Parce que c'est le possible qui admet l'existence et le néant. Voilà. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Sallallahu ala Muhammad Tahib. Amin. Allahumma rizqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Shifa'an kulli da'. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله وارث منا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، وآت كل واحد من حاضرنا سؤله من الخير بجاه سيد المرسلين محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.